Ben, pour rien vous cacher, jusqu'à hier soir, Tchaïkovski et moi, c'était pas le grand amour. Je sais pas, le côté larmoyant, chipoteux, alternant avec l'exaltation facile, le romantisme grand style, le clin d'œil genre, et regarde comme j'écris bien, je pourrais être un vrai musicien européen si je voulais. Tout ça me tapait sur les nerfs. Bêtement, je me disais, entre Moussorgski et Tchaïkovski, c'est presque une question ontologique, il faut faire son choix. Et j'avais choisi, c'était Boris contre Onegin. Sans d'ailleurs jamais avoir entendu Onegin, bien sûr, ce qui vraiment relève du grand maroufle. Tout ça donc jusqu'à hier soir. J'arrive à la Bastille, sur les coups de 20h, pour voir Eugène Onegin, en retard à cause de l'émission. Je débarque un peu morne, un peu crevé par la journée, en plein air de la lettre. Et la surprise. Orchestration sublime, vocalité somptueuse, inspiration constante, une œuvre sur rien, ou presque sur la désillusion, peut-être, pas loin de Tchekhov. Enfin, une vraie merveille et une musique sublime. Je vous mens pas, à 41 ans, j'ai découvert Tchaïkovski. Alors ce soir, invitation assortie d'un grand merci à ceux à qui je dois cette découverte. Nous sommes avec Nadine Denise, Olga Goriakova et Ludovic Tézier. Я молча гипотеза жа, я жду тебя, я жду тебя. L'air de la lettre extrait de Jeanne Onegin de Tchaïkovski, c'était Olga Gouriakova il y a 10 ans tout de même ici, dirigée par Konstantin Orbelian avec l'orchestre de chambre de Moscou. Et c'est elle qui tient toujours le rôle de Tatiana dans cette reprise de la production Willy Decker 1995 de Jeanne Onegin qu'on peut voir à la Bastille depuis vendredi. Il reste 5 représentations jusqu'au 11 octobre, je salue donc 3 des protagonistes de cette production qui sont avec nous ce soir, Olga Gouriakova, Nadine Denise et Ludovic Tézier. Bonsoir à tous les trois et merci du plaisir que vous m'avez donné. Alors pendant que je racontais mon petit papier tout à l'heure, Ludovic Tézier me regardait d'un air qui voulait dire « Mes pauvres garçons, découvrir Tchaïkovski à 41 ans passé, faut être un peu tâche, non ?» Oh non, il faut prendre son temps. Oui, pour certaines choses. Oui, voilà. Voilà, c'est la maturité. J'en ai 42, donc je sais de quoi je parle. Oui, enfin vous, Tchaïkovski, vous l'avez découvert bien avant quand même. Oui, oui, je m'y suis pris plus tôt, mais peut-être parce que ça nécessitait plus de travail, on va dire. Oui, c'est ça. Olga, pour vous, enfin pour une Russe, Tchaïkovski, c'est dans les gènes pour une chanteuse, hein? Je crois, parce que pour moi, c'était mon premier rôle, oui. Tatiana, quand j'étais encore au conservatoire de Moscou, 3e année, j'ai chanté déjà Tatiana. Et c'était mon premier rôle au théâtre Stanislavski. Ah. Et j'avais de la chance, excusez-moi mon français. Il est très bien, on le comprend très bien. De chanter dans la production de Stanislavski. Ah oui, qui avait été reprise au fil des années, c'est ça. Des années, vraiment, 70 ans, on a fait la reprise. Et chaque mesure était mise en place, mise en scène. C'était incroyable. Un vrai travail de théâtre. Un vrai travail de théâtre. Ouais. J'étais heureuse de faire ça. Ouais, j'imagine. Nadine Denis, c'est une musique qui porte vraiment celle-là. Est-ce qu'elle porte autant les chanteurs que le public dans la C'est une musique salle. Merveilleuse. C'est vraiment la quintessence du romantisme. Mmh. Tchaïkovski, je crois, illustré déjà de cette époque du 19e siècle, a écrit sur ce merveilleux roman de Pouchkin. Enfin, toutes ces œuvres. Je pense que Onegin est l'œuvre la plus aboutie, quand même. Oui, très certainement. J'ai déjà chanté La Dame de Pique avec Olga, n'est-ce pas? Donc, à l'époque, je faisais la grand-mère, maintenant je fais la mère. Vous voyez, j'en gémis tous les jours. Mais bien de la chance. C'est un opéra de l'intime, vraiment. C'est presque ce qui m'a étonné le plus, surtout quand on voit ça à la Bastille. Alors qu'il y a des éléments, bien sûr, qui sont des éléments de bal, avec vraiment une sociabilité très présente. Hein. Mais tout ce qui se déroule, finalement, est vraiment de l'ordre de l'intimité. Oui, bon. Oui, ce sont des dialogues. C'est comme une pièce de Tchekhov. Oui. Voilà. Ouais. Le côté théâtral est très important, vous nous disiez. Beaucoup plus intimiste. Hein. Ouais. Olga, vous nous disiez ça juste un instant. Le côté théâtral, c'est-à-dire, on joue vraiment entre acteurs quelque chose. Oui, en fait, Tchaïkovski avait écrit, il n'a pas appelé ça opéra, il appelait ça les scènes lyriques. Et il a insisté que ça soit chanté par les jeunes chanteurs de conservatoire. Ah oui, à l'origine pour la création, alors, ouais. Oui. Ah ouais. Alors, ce n'étaient pas des chanteurs très aboutis, oui. Mais on pouvait travailler avec eux, vraiment. Et je trouve que c'était une bonne idée. Ouais. Et c'est vraiment, je trouve que c'est plus la musique de chambre que grande opéra. Plus expansive. Oui. Ouais. Il y a beaucoup d'ensemble, d'ailleurs. Ça fait toujours un peu bizarre de présenter cet opéra sur les grandes scènes comme Opéra Bastille, au Met, à la Scala. Parce que, il faut un cadre plus intimiste, bien sûr. Mais, il faut adapter. Ce serait presque un opéra pour Garnier. Enfin, ça fonctionne quand même très bien. Oui. La Bastille, on va en reparler bien sûr avec vous tous et toutes de tout cela. Et on va vous entendre, pas seulement dans le répertoire russe, dans Tchaïkovski. Tenez, Nadine Denise, on va aller du côté d'un mythe absolu, cet enregistrement de Pelléas et Mélisande par Herbert von Karajan. Vous êtes Geneviève. Thank you. Et il n'en dira rien, Arkel. C'était donc cet extrait de Péléas et Mélisande de Claude Debussy. 1978, Karajan qui dirigeait le Philharmonique de Berlin et la voix de Nadine Denise. Il est passé un truc là dans le studio qu'il arrive que soit on est très gêné, soit très ému. Je crois que c'est la deuxième solution. Ludovic Tézi, vous avez vu écouter ça avec une attention? Ah oui, bien sûr. Ah oui? C'est beau ce qu'il y a à entendre. C'est pas beau, non? Oui, beau, c'est c'est toujours une affaire de lettres. Oui, c'est vrai, en plus. Même pas fait exprès. Est-ce que vous aviez confiance, Nadine Denise, en enregistrant ça aux côtés de Karajan, qu'il se passait vraiment quelque chose de magique là? Vous allez me dire, la musique est magique, celle-là, mais enfin, il y a quelque chose dans cet enregistrement qui l'est tout particulièrement. Oui, déjà, bon, avec l'orchestre de la Philharmonie de Berlin, qui est un orchestre exceptionnel, le chef était exceptionnel et l'œuvre est exceptionnelle. Alors donc, vraiment, mais c'était fois, un moment... Des fois, ça suffit pas, il faut quelque chose, on ne sait pas. Hein. Des fois, il faut la chanteuse exceptionnelle, bah, il oui. y avait aussi, donc c'est bien. Oui. Merci Ludovic. Non, mais très sérieusement, je suis très sérieux, je le pense sincèrement. C'est formidable d'entendre ça, on est suspendu aux lèvres de madame et à la baguette du chef, c'est génial. Et puis un sort de la ligne qui est tout à fait étonnant et qui est surtout l'enregistrement aussi, je crois, enfin qui est aussi le vôtre, Nadine Denise, hein, de la ligne, c'est-à-dire on a l'impression que ça ne s'arrête pas et que ça ne respirera jamais et que c'est infini. Oui, déjà de par l'écriture, puisque c'est en fait le débit de la voix parlée, puisque c'était une révolution dans l'histoire de l'opéra. On n'a plus des airs, des récitatifs, des airs avec des numéros. Là, c'est vraiment la voix parlée qui est mise en musique. Est-ce que Karajan était sympathique comme garçon? Très. Mais ça, c'est une légende. Combien de fois j'ai entendu dire, oui, Karajan est désagréable, mais pas du tout. C'était l'homme le plus exquis du monde. Peut-être avec les chanteurs, parce qu'il savait qu'il fallait les mettre en confiance aussi, non? Non. On était en confiance, hein, de toutes les façons. Oui. Avec un homme de cette dimension, c'était un personnage hors norme. Et vraiment, c'était un moment exceptionnel. Je parlais de ce sens de la ligne qui fait que dans la langue française, rien en quelque sorte ne dépasse, parce qu'on n'a pas d'accent, bien sûr. C'est pas la même chose dans la langue russe, hein, Ludovic Tevzi, et on l'a chanté, là, pour le coup, beaucoup d'accentuation. C'est à moi de parler de la langue russe, là. Bah oui, avant Olga, parce que d'abord, vous parlez vous, génial. Et puis celle qui connaît vraiment, après, rectifiera. Je trouve, enfin, mon opinion là-dessus, après avoir fait quand même deux, trois essais, dans le répertoire russe, c'est que c'est une langue extrêmement accentuée, encore beaucoup plus que l'italien. Chaque parole a son accent, a sa musique propre. Et pour moi, la gageure et en même temps le danger, c'est d'arriver à accentuer les mots correctement sans que ça devienne quelque chose de trop souligné non plus, sans perdre finalement la fin de la phrase. Sinon, on a tendance, si je parlais comme ça, ça donne pas une phrase, ça donne pas de ligne mélodique. Et c'est tout, le charme et l'attrait de cette langue, d'être à la fois extrêmement fluide lorsqu'on l'entend, mais avec beaucoup d'accent interne aux phrases. Et le jeu, je trouve, du chanteur, c'est d'arriver finalement à rendre ses accents, j'allais dire de manière juste, tout en conservant la perspective de la phrase. Olga Goryakova. Voilà, je dois dire bravo à mon Onegin pour son russe, pour l'expression qu'il peut nous donner en chantant cet Onegin. C'est vraiment... Donc il est bon, son russe, hein? Moi j'ai l'impression, mais enfin je ne sais pas trop. Très bon. En même temps, bon. Je suis avec elle sur scène, elle n'a pas intérêt, ben, au contraire non plus. Sinon, ça va barder. Oui, mais si vous n'aviez pas un bon russe, elle vous l'aurait dit, elle vous l'aurait corrigé peut-être même, non? J'adore cette langue et je vous remercie beaucoup, Olga. Et du reste, elle le sait très bien régulièrement. Elle est venue me dire, tiens là, tu fais un L qui est un peu bizarre, essaie de faire ça. Donc c'est une espèce de merveilleuse cuisine permanente. Là, c'était votre coach sur scène, en fait, hein? Oh, plus que pour ça, le russe. C'est très inspirant quand même de chanter avec des artistes pareils à ses côtés. Et lorsqu'en plus, c'est leur langue propre... Je trouve que ça aide beaucoup finalement d'entendre une réplique ou une répartie qui est parfaitement faite, qui est dans la pureté de la langue. Ça aide beaucoup à enchaîner là-dessus. Bien sûr. Nadine Denise, facile à chanter le russe pour vous, ça vous... Non, ce n'est pas facile non. du tout. Ah bon? Parce que je crois que l'alphabet est composé de, je ne sais plus combien, 33 lettres. Donc il y a beaucoup de difficultés entre les « che », les « tch », les... Enfin bon, c'est horriblement difficile, mais c'est une langue merveilleuse, parce qu'elle est très musicale. Oui, j'ai beaucoup de plaisir à chanter le russe. J'arrive à le lire lentement, mais je crois que, enfin, quand j'aurai le temps, j'apprendrai le russe. Je me suis promis cela. Après Eugène, après la Bastide, donc. On va aller entendre, évidemment, Ludovic Tézier, qu'on n'a pas écouté encore musicalement dans cette émission. Un des extraits qu'on écoute à chaque fois qu'il vient, je sens qu'il va bondir. Il sait ce que c'est. Est-ce qu'ils applaudissent le toréador Ludovic Tézier? Mais un peu les deux, bien sûr. Ils l'ont adoré dans ce toast. Les couplets du toréador, bien sûr, de Carmen, de Georges Bizet. C'était votre gala d'opéra, Ludovic Tézier, avec Marco Armiliato. On aime tout ça, mais sauf vous, visiblement, là. Non, moi, j'adore l'air du toréador, oui. Mais pas par Ludovic Tézier. Ah, d'accord. Mais j'adore le chanter. Ah bon? C'est un peu contradictoire, ça, non? Non, je, mais je n'aime pas écouter Ludovic Tézier, d'ailleurs. Voilà. Ouais. Je crois que tous mes disques, les quelques ceux que j'ai, sont encore sous cellophane, ou peu s'en faut. Mais vous aimez chanter comme les toréadors. Ah, j'aime beaucoup, c'est une musique géniale. Du reste, c'est quand même un des grands tubes. Tu chantes toréador au fin fond du Groenland, je crois que les gens reprennent en cœur. Ce qui est quand même une preuve de génie, parce que c'est vraiment... C'est superbe, c'est brillant, mais bon... Il faut dire que Tchaïkovski admirait énormément la musique du Bizet. Il était un grand admirateur du Bizet, et de la musique française, surtout. En général. C'est remarquable, mais bon, c'est vrai que je n'aime pas le reflet du miroir. Voilà. Ouais, d'accord. Bon, alors on va laisser le toréador de côté. On va quand même noter une ressemblance entre lui et Eugène Onéguine. Enfin, une ressemblance, un point commun, la noblesse, la grande noblesse. C'est une des caractéristiques, en tout cas, de ces rôles-là et de celui d'Onéguine, en tout cas, tel que vous l'incarnez, vous. C'est un personnage qui a vraiment du style. Ah oui, il faut, oui. Je mettrais une petite différence. Je trouve que la noblesse qu'on peut prêter à Escamillo est une noblesse quasiment naturelle, et la noblesse est quelqu'un qui affronte quand même des choses assez dangereuses au quotidien. Donc il y a probablement un sens aigu des vraies valeurs. Mmh. Je crois qu'Onéguine est plus dans une noblesse de posture. Ouais. Éducationnelle, j'allais dire. Et c'est à mon sens tellement vrai que ça le fait justement passer, à cause de cette valeur un peu plaquée, ça le fait passer à côté des choses essentielles. Mmh. L'amitié, l'amour, etc. On peut dire qu'il rate tout, hein. À peu près, c'est un peu tragique, hein. À peu près, ouais. Non, mais c'est tout le drame de ce personnage, être finalement dans quelque chose d'extrêmement artificiel. Et là, encore une fois, Escamillo est dans quelque chose d'assez vrai, qui peut sembler artificiel parce que brillant, mais qui ne l'est pas, je ne pense pas. Mais même si c'est un petit peu de la pose, Eugène Onéguine, ben ça nous touche quand même directement. Bien sûr. Bien sûr, parce que c'est aussi presque une preuve de fragilité que de devoir enfiler un costume ou un masque pour exister. La preuve qu'il y a une fêlure quelque part. Bien sûr, la nudité, la vérité fait extrêmement peur à tout le monde. Donc c'est très facile, finalement, de jouer un rôle, même dans la vie. C'est beaucoup plus simple que d'affronter, là aussi, finalement, le reflet du miroir. Et donc le réel. Donc c'est sans doute un des aspects qui m'intéresse le plus dans le rôle, cette fêlure, cette fragilité cachée qui est compensée par ces effets de cape. Ouais. Olga Goriakova, alias Tatiana, dans cette production, donc c'est vous qui avez... Je vais dire le regard sur Eugène Onéguine, d'abord un regard de jeune fille, après un regard de femme. C'est quand même un drôle de personnage que vous avez en face de vous, là, non, Onéguine? Je vais reformuler ma question pour Olga, parce que là, ça tournait très mal. Le personnage de Onéguine, Tatiana, votre Tatiana à vous, elle le regarde comment? Elle le regarde différemment, je crois. Le regard est différent au début. Et à la fin, on change les positions à la fin. Mais c'est inversé, hein. Oui, c'est inversé, vraiment. Et maintenant, je sens que mon français ne me permet pas. Oui, d'aller dans ces subtilités-là, comprends. Ce que je pense. Bon, on vous interrogera sur autre chose tout à l'heure, Olga Goriakova, que sur la psychologie profonde de Ludovic Tézier. Non, mais ou cela de Jeanne dit, je pense, et si tu en es d'accord, au moins ça fera d'une pierre deux coups. Ouais. Je pense qu'effectivement, la situation s'inverse à cela près qu'elle est parfaitement lucide sur le sentiment qu'elle éprouve pour Onéguine à la fin. Ce que n'est pas, je pense, Onéguine au début, une espèce de, peut-être un léger trouble par rapport à cette jeune fille, mais sans plus. Et c'est un choix réel qu'elle fait. C'est assez terrible, le choix qu'elle fait à ce moment-là. Donc effectivement, je crois qu'elle a appris, malheureusement, j'allais dire, d'Onéguine à un certain moment. Donc effectivement, à un moment donné, les choses s'inversent, mais qu'en plus, il y a une détermination chez elle et quelque chose d'extrêmement lucide que n'avait peut-être pas Onéguine, en tous les cas, à ce point-là, au début. Qui lui a dû apprendre aussi, mais de manière un petit peu plus dure, on va dire, au bout du compte. Oui, hein, et sans retour, oui, absolument. Ouais. Olga Goriakova, on vous retrouve dans ce qui suit aux côtés de Marina Domashenko. Et bien, c'est pour votre duo avec Olga dans Eugène Onéguine. duo entre Tatiana et Olga dans Eugène Onegin de Tchaïkovski. C'était Marina Domachenko et Olga Goriakova, cette dernière à retrouver donc dans cette production d'Onegin à voir à la Bastille. Il reste 5 représentations. La prochaine, c'est dimanche. Je dis bien dimanche. Celle de jeudi a été annulée pour cause de grève prévue. Et la dernière, ce sera le 11 octobre sur les planches donc de la Bastille, la mise en scène de Willy Decker. Et la direction musicale de Vassili Petrenko, qui, moi, je dois dire, fort impressionné dans cette production. C'est votre cas. Elle est extraordinaire. Il est extraordinaire. C'est un très, très jeune chef. Je crois qu'il a à peine 30 ans. Mm-hmm. Il a une maîtrise, une technique extraordinaire. On sent qu'il a étudié avec les plus grands. Un geste très élégant aussi. Hein. Très élégant. Et puis, il sait ce qu'il veut. Il a du caractère. Ouais. Ah, oui. Oui. Les répétitions étaient très intéressantes pour cela. Ouais. Olga Goriakova, vous le connaissiez bien, Vassili Petrenko ? Pas du tout. Pas du tout ? Non, c'était la première fois pour moi aussi. On se retrouvait ici, à Paris. Et c'est drôle, j'ai travaillé beaucoup avec Kirill Petrenko. Ouais. Récemment. Qui est son père, c'est ça ? Non, pas non, du tout. Aucun rapport. Non, c'est juste la même. Ils ont la même nom, mm-hmm. mais ils sont pas parents. Relatives, pas parents, mm-hmm. pas du tout. Et j'étais très surprise ouais. Par son talent. Et après qu'il est très jeune, mais il est tellement. Il a telle musicalité et professionnalisme, ah oui. si on peut dire comme ça. Il m'a beaucoup aidé pendant les répétitions, parce que moi, je chante ce rôle déjà depuis 16 ans. Ah oui, vous avez fait des mises en scène aussi, des chefs d'orchestre. Même 17 ans. Ouais. J'essaie de trouver quelque chose de nouveau, d'éclaircir, de achister, tu sais comment dire. Ça s'adresse à Basile qui va traduire. Apurer ouais, la partition. Et il m'avait beaucoup aidé avec ça. Vous en avez vu beaucoup, en effet, des metteurs en scène, des chefs d'orchestre. Est-ce que les mises en scène vous apportent à chaque fois quelque chose de nouveau sur votre rôle de Tatiana ? Oui. Oui ? Je dois dire, je crois que je fais 12 productions différentes de Eugène Onegin. Et parfois, c'était très, très moderne. Mm-hmm. Aux États-Unis, ça se passe aux États-Unis, les années 50, 60, par exemple, on a chanté notre duo. Celui-là qu'on a écouté tout à l'heure, on a chanté avec le micro. Ah bon oui. À la moderne. On était habillés en jean. Et ma scène de la lettre, je faisais avec le dictaphone aussi. D'accord. Oui, oui, c'était bien modernisé. C'était très modernisé. Ouais. Mais par contre, c'est vrai que j'essaie toujours de garder quelque chose qui est l'intérieur de Tatiana, qui est essentiel, que je ne peux pas perdre pour les mises en scène. Mais je suis toujours ouverte pour les nouvelles idées. Mmh. Oui. Nadine Denise faisait la grimace sur le dictaphone. Oui, oui. Non, mais le metteur en scène doit être un poète, quoi, c'est tout. Mais pas trop les mises en scène trop modernisées comme ça, non ? Non. Parce qu'on dénature le sentiment. Ça n'apporte rien à l'œuvre. L'œuvre se suffit à elle-même. Déjà, le poème est extraordinaire. La musique est extraordinaire. Alors, je trouve que c'est salir, c'est abîmer l'ouvrage. Vraiment. Faut laisser la musique parler, en fait. Mais oui, bien sûr. On va laisser celle de Ravel s'exprimer. C'est l'indifférent extrait de Scheherazade. C'est votre voix, vous, Nadine Denise. Nadine Denise, dans cet extrait de Scheherazade de Maurice Ravel, L'Indifférent, avec l'Orchestre Philharmonique de Lille, dirigé par Jean-Claude Cazadesus. Et pendant qu'on écoutait ça d'une oreille, quand même, on causait un petit peu d'une autre, si j'ose dire, Nadine. Et vous me disiez que ça fait quand même 17 ans que vous n'étiez pas venue à l'Opéra de Paris chanter. Oui. Incroyable, ça, quand même. Oui, incroyable, mais vrai, hélas. Donc, c'est aujourd'hui, c'est retour à la maison, puisque j'ai pris naissance, artistiquement parlant, à l'Opéra de Paris, et puis j'ai fait un long périple, j'ai chanté absolument partout. Donc le répertoire allemand, le répertoire italien, et puis je reviens avec le répertoire russe, qui est extraordinaire, n'est-ce pas, à l'Opéra de Paris. Vous avez déjà chanté la Bastille, du coup, ou non? Oui, j'ai inauguré la Bastille dans les foyers, tout de même. Ah oui, bien sûr. Fait quand même une française. Bon, puisque les deux héroïnes des Troyens étaient incarnées par... des Américaines, Grace Bembry et Shirley Verrett. Donc, et depuis 17 ans, donc pas un pied à la Bastille. Non, vous étiez venue comme spectatrice quand même ou... Non, bah non, parce que j'étais ailleurs. Quand même, je ne suis pas restée 17 ans sans chanter. Ouais, donc, j'ai chanté partout. J'ai chanté à Berlin, j'ai chanté à Turin, j'ai chanté à La Scala, à Düsseldorf. Mais contente de revenir quand même. Très. À d'autres engagements, à venir, d'autres rôles dans le futur, je veux dire, il y en a plein d'autres, j'imagine, bien sûr, mais à la Bastille, enfin, ou à Paris. C'est en train. C'est en cours de route. Non, par contre, j'ai un projet là dont je tiens, j'aimerais parler. Donc la création, une création dans le cadre du bicentenaire de Chopin. Ouais. Donc c'est une coproduction entre le ministère de la Culture polonais et le ministère de la Culture français. Donc une œuvre, trois mélodies sur des poètes contemporains de Frédéric Chopin. Un poème de Victor Hugo, un poème de Goethe et un poème de Mickiewicz. Et le compositeur sera Hugues Dufour. Excellent compositeur. Hein, Oui, il fait une carrière absolument prodigieuse. Ouais. Là, en ce moment, il est joué à La Scala, puisqu'il y a la semaine de musique contemporaine à La Scala, à Cologne. Enfin, c'est un petit peu le parcours de Berlioz, voyez-vous, qui était... peu joué, enfin joué bien évidemment en France, et puis qui était vraiment fêté, admiré. Ce sera quand cette création? Alors cette création sera le 27 novembre au musée d'Orsay. Bien, ben, on note la date, 27 novembre, pour voir la Nadine Denise, dans cette création de Hugues Dufour. Ludovic Thézé, j'aimerais qu'on dise deux mots, peut-être aussi d'autres, du reste de la distribution, enfin pas tout la distribution, mais enfin deux petits clins d'œil à Joseph Kaiser, magnifique Lenski à vos côtés, que vous tuez évidemment avec une mort, avec une joie infernale. À quel opéra qu'on peut tuer et qu'on n'est pas chopé à la fin. Hein. Voilà, c'est bien, on peut réaliser des tas de trucs comme ça sur scène, c'est formidable, et il n'y a pas la police à la sortie. Voilà, génial. Bonne chance. Et puis Jean-Paul Fouché-Court, oui, qui fait un monsieur Triquet truculent, on va dire. Oui. C'est un show. Complètement. Et quand j'ouvre le bal avec Triquet, c'est le meilleur moment de la soirée. Ah bon, avant ce qui me concerne, c'est mon rôle est tellement court. Je le regrette parce que c'est un très joli rôle. Mmh. Et donc ouvrir le bal avec Triquet, mais c'est un moment. Mais avec Triquet ou avec Fouché-Court? Les deux. Les deux, bah oui, évidemment. Bah oui, parce que quand Fouché-Court incarne Triquet, c'est évidemment un événement. C'est quoi, Olga Goyakova? Oui, c'est vraiment Jean-Paul qui porte cette bonheur. Du moment du bal, oui. Bon, très bien pour ça. Eugène Onéguine, on va rappeler donc 5 représentations à voir encore. La prochaine, ce dimanche, la dernière, le lundi 11 octobre, dans la mise en scène de Willy Decker et la direction musicale de Vassili Petrenko, c'est à la Bastille. Un Don Carlo, Ludovic Thézé, ça on peut? Ah bah, faites ce que vous voulez, vous êtes chez vous, Lionel. Non mais celui-là, ça va, quoi. Celui-là, vous l'écouterez, on ne sera pas obligé de baisser dans le studio. Non, je vais juste sortir. Ça sortir quand même. On va écouter, voilà. Ah non, ça c'est pour, beau, pour un critique entre nous. D'accord, bien, très bien, on va faire ça. Oh! Ludovic Tézien, Rodrigue II, Don Carlo de Verdi, toujours dirigé par Marco Armiliato. Alors quand même, on se faisait des remarques. Hein. Nadine Denise était tout le temps en train de faire la critique de Tézier, Ludovic. Moi, je faisais la critique de Tézier. Je disais que le legato était merveilleux, qu'il avait un sens du phrasé, que c'était vraiment un modèle. C'était un bonheur, avec cette qualité de voix, ce timbre distingué. Et lui nous disait, ce serait bien si c'était chanté par un vrai chanteur. Mais il est impossible. Non, mais il se flagelle. Non. C'est de la fausse modestie. C'est de la fausse modestie, mais il veut qu'on le félicite. Non, j'aime bien ça, en fait. Ça, voilà. Je ne suis pas content, parce que je ne le suis jamais, mais ça, j'aime bien. Bon. Et vous aimez bien que Nadine Denise vous dise des choses sympas comme ça? Oui, il y a pire. Oh, ben oui, quand même. Non, mais c'est génial. Bah, oui. C'est-à-dire, c'est... Bon. C'est pour ça qu'on s'applique, quoi, oui. Pour faire de jolies choses. Les noces, Ludovic, c'est à venir, hein, ben justement, oui. À l'Opéra de Paris, une grande reprise. Oui, une grande reprise, très court, très rapidement. J'ai fait la dernière de cette production qui va renaître comme le phénix de ses cendres prochainement à la Bastille. Et j'avais fait la dernière parce que j'avais dû remplacer au pied levé Peter Mattei. Et alors on m'a vite essayé 2-3 costumes, 2-3 redingotes, et il se trouve, et ça, c'est vraiment pas une anecdote inventée, il se trouve que celle qui m'allait le mieux, où il y avait le moins a priori de travail pour l'ajuster à ma taille de l'époque, c'était quand même il y a quelques années, c'était celle de la création qui avait été portée par M. Gabriel Bacquier. Donc, on avait gardé le costume de Bacquier ? Ah, je ne l'ai pas gardé, non. Enfin, à la sortie. Il l'avait gardé. Oui. Voilà, donc finalement, on avait chanté, oui, j'ai eu la chance de chanter cette dernière de cette production de Strehler à l'époque dans le costume de la création, réellement. Et chose amusante, on fait appel à moi pour refaire la re-première, si vous m'autorisez le néologisme. Et donc, c'est bien, quoi. C'est. Vous serez le compte. Dans l'histoire qui est assez sympa. Dites-moi, on vous a refait un costume à neuf, quand même, j'espère, pour l'occasion. Hein. Ah, sans doute, oui, on va voir ça, oui, bien sûr. Ouais. C'est un nouveau départ. Mais non, je suis assez impatient. J'ai d'excellents souvenirs de cette unique représentation que j'avais donnée à l'époque à la Bastille, de cette production qui est très belle et bon, qui est porteuse de toute une nostalgie merveilleuse sur les grandes productions de l'opéra des années 70. Oui. Nadine Denise, côté nostalgie, vous me disiez juste à l'instant, alors quand on écoutait ce disque-là de Ludovic, vous me disiez, mais moi j'ai chanté beaucoup de Wagner aussi. Mm-hmm. C'est vrai, mais il n'en reste pas justement de traces discographiques, malheureusement. Du coup, on a un petit peu oublié ça. Il y a pas mal de pirates que l'on trouve en Allemagne. Lohengrin, on trouve, je crois, sur Internet maintenant, mon premier Parsifal de l'Opéra de Paris, dirigé par Stein. Votre première Kundry, rassurez-moi. Oui, enfin, mon premier Parsifal, oui. Non, bien, c'est drôle. Bon. La première Kundry, donc dans Parsifal de Richard Wagner, dirigé par Ornstein, avec John Vickers, Kurt Moll, voilà, donc rôle de Kundry, je précise, que j'ai chanté pendant 20 ans partout en Allemagne. Est-ce que tu l'aurais chanté à Marseille à l'époque dans J'ai chanté Kundry à Marseille, mais oui, quand Jacques Carpeau, qui était un grand Wagnerien. Quand je suis allé à l'opéra, tu étais sur scène. Voilà. Ma première expérience à l'opéra, c'était dans Parsifal. Oui. Et première expérience tout court. J'avais été absolument fasciné par cette représentation. Il faut dire qu'il y avait pas mal de monde sur le plateau. C'était très beau. Vous êtes en train de me dire que la mort du chant vous est venue par Nadine, c'est ça? En partie, oui, bien sûr. Le choc, lui, puisque c'est un choc global. D'ailleurs, j'en parlais avec Von Halem, qui faisait donc le rôle de l'inquisiteur l'année dernière ou la saison dernière dans le Don Carlo, qui était aussi de cette soirée-là. Et ça a été un véritable choc, oui. Mais comme quoi, Nadine Denise, la amusant. Dévocation qui se crée, qu'on ne connaît pas toujours, qu'on apprend des années plus tard. Là, c'est très agréable, ça me touche beaucoup. Donc si un jour j'aborde Kundry, ce sera grâce à toi. Là voilà, et je chanterai Parsifal, exactement. Oh, mais ça, il faut qu'on soit là. Ah oui. Et on laissera donc Gournemans à Olga Goryakova, qui va refermer la marche, nous disons peut-être quels sont ses projets, Olga, à venir. Oui, voilà, les projets. À la fin de mois octobre, je veux faire mon récital à Moscou, récital 19e siècle, l'ère des opéras compositeurs français. Ouais. Et après, c'est Manon Lescaut pour la première fois de Puccini à Wiener Staatsoper. Et je reviens à Paris l'année prochaine pour La Dame de Pique. La saison. Ah ben, comme ça, vous aurez fait les deux grands chefs-d'œuvre de Tchaïkovski. Oui. Voilà, en deux saisons. Eh bien, merci beaucoup en tout cas. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. On va se quitter justement avec vous, si vous voulez bien, Olga Goryakova. Vous me parlez de Puccini ? Ah ben tiens, voilà. On va écouter un petit Vici d'Arte, juste pour... non, elle se cache le visage. Pourquoi ? C'est trop vieux, c'est ça, cet enregistrement ? C'est vieux, mais allez-y. Allez-y, ah, là, entre tes yeux et vous, disons. Voilà. C'est content de s'entendre. Thank you. Olga Goriakova dans ce Vici d'Arte, extrait de Tosca de Puccini. C'est à nouveau Constantin Orbelian qui l'a dirigé. Et Ludovic Tézier disait oui. Bon, enfin, le mot de la fin pour cette émission, il sera à Basile, qui n'est pas seulement un auditeur, mais une mémoire. Bonsoir, Basile. Bonsoir. Nous dire juste un mot. J'aimerais rendre hommage à Jory Boué, Roger Bourdin, qui était son époux, qui ont créé en français, à l'Opéra Comique, Eugène Onéguine, avec Jean Giraudot en Lenski et Raymond Amad en Triquet, dans des décors admirables de Georges Vakévitch. Et c'était quand, ça? Ne me demandez pas, c'était il y a longtemps, hélas. Et Vakévitch, à ce moment-là, faisait beaucoup de décors. Il avait aussi fait de très beaux décors pour l'Opéra Comique, Des Noces de Figaro. Et c'était en français, tout ça? C'est facile, hein? Si on chantait Eugène Onéguine en français aujourd'hui. Mais vous savez, ça n'était absolument pas ridicule. Et surtout, Jory Boué était une merveilleuse Tatiana. Elle était très émouvante. Bon, en tout cas, merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette émission qui était préparée par Nelly Portal, réalisée par Catherine Pralegal, avec à la technique ce soir Marie-Thérèse Ferrand et Sylvain d'Angoise. Très bonne soirée à tous à l'écoute de France Musique. Demain, mon invité sera l'écrivain Éric-Emmanuel Schmitt, avec lequel nous poserons cette sorte de question en forme de perplexité. « Quand je pense que Beethoven est mort, alors que tant de crétins vivent », c'est le titre de son dernier livre. Bonsoir, Alex Dutil. Bonsoir, cher Lionel. Vous me donnez envie de lire ce livre avec un titre pareil. Écoutez, venez écouter demain et puis vous en parlera, Éric-Emmanuel. Vous vous souvenez qu'on était à 51 Yvelines l'an passé pour la rencontre d'Eve Liebman avec l'ensemble intercontemporain. Ah oui, oui, oui. Eh bien, je vous propose d'Eve Liebman sans l'ensemble intercontemporain ce soir. Bien. Ça sera dans Open Jazz dans 10 minutes. Pour l'instant, c'est le journal avec Céline Loiseau. Bonsoir Alex, bonsoir à tous. Bonsoir Céline. Et au début de ce journal, on reviendra sur l'action des militaires français pour tenter de retrouver les 7 otages enlevés en fin de semaine dernière au Niger. Il sera aussi question du climat de plus en plus.